Voyons. La jeune fille, d'abord. La jeune fille, d'abord. Il faut un prénom français. Il faut un prénom français. Pourquoi est-ce qu'il faut donner un prénom français à la jeune fille? Parce qu'elle est française. Écoutez, le prénom de la jeune fille va être Mireille. Mireille. Mireille. Le prénom de la jeune fille, le prénom de la jeune fille va être Mireille. Le prénom de la jeune fille va être Mireille. Parce que c'est un joli prénom. C'est un joli prénom. C'est un joli prénom. Et puis, ce n'est pas facile à prononcer. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile à prononcer. Ce n'est pas facile à prononcer. Et puis, ce n'est pas facile à prononcer.